une mélodie farouche teintée d'infini que le vent qui se couche écoute dans son lit. C'est un loup qui hurle sous le ciel scintillant, c'est un loup qui chante sa passion de printemps. Mais les oiseaux se taisent quand la louve répond. Il y a comme un malaise dessous de l'horizon. Mais les oiseaux se taisent quand la louve répond. Il y a comme un malaise dessous de l'horizon. Musique d'un galop au cœur de la toundra. Serait-ce le sanglot de la pluie qui bat? C'est la migration du peuple caribou qui remonte au nord vers un soleil plus doux. Le castor et l'abeille bâtissent leur maison quand le grizzly s'éveille amaigri et bougon. Le castor et l'abeille bâtissent leur maison quand le grizzly s'éveille amaigri et bougon. Cris des glaces rompues dans le fleuve en débâcle. Quand les froids se sont tus, vient le temps des miracles. Cet enfant nouveau-né caressé par la brise, un renard un peu fou que le grand soleil grise. Et les saumons remontent aux sources des torrents. Les animaux sans honte font l'amour simplement. Et les saumons remontent aux sources des torrents. Les animaux sans honte font l'amour simplement. Un rêve se dessine dans le cœur d'un Indien. Voici qu'il imagine ce que sera demain. Une terre aussi belle qu'une symphonie, où la nature et l'homme vivront en harmonie. Rêve ardent qui se blesse à la réalité, rêve que l'on délaisse dans un monde brisé. Rêve ardent qui se blesse à la réalité, rêve que l'on délaisse dans un monde brisé. Un moteur à rugir qui fauche la romance, une longue agonie pour la forêt commence. Tronçonneuse en furie aux mains des bûcherons, et c'est l'eau des rivières qui emporte les troncs. Mais les oiseaux se taisent quand l'homme est le plus fort. Il y a comme un malaise sur les ailes de la mort. Mais les oiseaux se taisent quand l'homme est le plus fort. Il y a comme un malaise sur les ailes de la mort.